Intayent Agmenna, enfant du Hogar, est venu aujourd'hui vendre du bois à Tamanrasset. Pendant des journées entières, il a ramassé ce bois avec les domestiques de sa tribu. Sa coiffure ébouriffée l'étonne. Mais pour lui, elle sera très utile quand, dans un an ou deux, il se serrera la tête d'un chèche pour se voiler la face. Sa mère lui endura alors ses grandes mèches de beurre et de terre rôties pour lui faire de longues tresses fines dont il sera fier. Le bois vendu, il prendra le chemin du retour vers les hautes montagnes bleues de son pays. Ce sont de gigantesques volcans surgis de terre et refroidis depuis des milliers d'années. Au fond d'un ravin aride, il rejoint son campement. La fraction des Isendan, de la tribu des Adjointahli, est arrêtée là depuis quelques semaines. Pourquoi là, dans cette grande désolation apparente? Parce que, cachés dans quelques trous de rochers, on y trouve de l'eau et que, sur ces grandes montagnes, les chèvres peuvent brouter quelques maigres touffes de végétaux. Voici l'habitation d'Intayent et de sa famille. C'est un grand vélum de peau, 60 à 80 environ, tendu sur des piquets et entouré d'un paravent de nattes de paille que l'on peut refermer complètement et qui protège du vent et du froid. Lorsque toute la famille doit s'absenter, on abat le vélum de peau, on plie les couvertures, on attache sur les piquets pour éviter que le vent ne les déchire. Au milieu de ma petite courette, Intayent, en arrivant, va pouvoir se réchauffer en buvant le thé à la menthe que va lui préparer sa mère. Pendant ce temps, la domestique pile le mil dans le grand mortier de bois. Elle prépare la bouillie qui sera le repas du soir. Son père est là, debout, qui l'attend. Dans la tribu, Intayent a sa part de travaux à chaque heure du jour. Il va remplir les outres dans ces grands trous d'eau qu'il connaît bien et que l'on appelle des geltas. La gelta est une réserve d'eau à l'étranglement d'une gorge. Intayent sait courir au milieu des roches volcaniques aux angles aigus qui coupent les pieds, car sa tâche principale est de garder les troupeaux. Le père d'Intayent, lui, est presque toujours en voyage. Il va surveiller les troupeaux de chameaux, il cherche, durant des jours, les bêtes égarées, ou bien il fait de longues caravanes pour aller chercher du blé à Insala ou du sel dans la Madror. Les jours de fête, ou bien lorsqu'il va à Tam, il revêt ses plus beaux habits. Gandoura blanche ou d'indigo, qui brillent au soleil. Il se voile la face de plusieurs turbans indigo qui laissent des traces bleues sur le visage et sur les mains. Sur la poitrine, il porte toutes les amulettes qu'il a achetées au marabout pour écarter le mauvais sort de toutes sortes de maux et des maladies. Sa sœur, Khadija, et son petit frère, Kanna, restent sous la tente avec leur mère. Khadija fabrique de belles nattes de paille et coud les vêtements. Kanna joue sur le sable et commence déjà à aller à l'école.